France Inter. On termine avec un blockbuster sélectionné par le spécialiste en la matière, j'ai nommé Frédéric Sigrist. Alors la semaine dernière, vous nous parliez de Suzume, le dernier film de Makoto Shinkai. Aujourd'hui, on reste au Japon, mais avec un classique, Le Voyage de Chihiro d'Hayao Miyazaki. Oui Mathilde, parce que je me suis dit, Frédéric, tous les vendredis, parler des films que les auditeurs n'ont pas encore vus, c'est bien, mais parler des films qu'ils ont déjà vus, c'est encore mieux. D'ailleurs, vous les journalistes, vous devriez faire pareil. Au lieu de nous parler de l'actualité récente et de ce qui nous pend au nez, vous devriez nous parler d'événements déjà passés. Genre, oh, il y a de l'eau dans le gaz chez les Beatles. Ah, je ne sens pas trop ce chancelier Hitler. À mon avis, faut pas trop s'attacher au Minitel. Avec mon idée, taux de confiance dans les médias, au moins 99%. Et puis, parler d'un ancien film, financièrement, c'est aussi beaucoup plus avantageux. Donc, dans une démarche de lutte contre l'inflation et d'augmentation du pouvoir d'achat, j'invite les auditeurs à voir ou revoir ce qui est pour moi le plus grand film d'Hayao Miyazaki, Le Voyage de Chihiro. Le Voyage de Chihiro, avec la musique de Joe Hisaishi, un des films les plus réussis sur le monde du travail, car oui, je le dis haut et fort, Le Voyage de Chihiro est un film sur le travail. Vous êtes sûr de ne pas confondre avec Ken Loach, Frédéric ? Mais pas du tout, Mathilde, pas du tout ! Je vous explique. Au début du film, on fait la connaissance de Chihiro, une petite fille de 10 ans apathique. Enfin, apathique au regard des personnages féminins habituels de Miyazaki. Parce que d'habitude, les héros et héroïnes de Miyazaki ont l'énergie et la volonté d'un enfant hyperactif qui aurait bu 18 canettes de Red Bull et mis les doigts dans une prise. Chihiro est juste une enfant normale, un peu triste de déménager à la campagne. Elle a la joie de vivre de la chanteuse Pomme qui se serait fait mordre par Stromae. Non. Au cours du voyage, ses parents font une halte dans un étrange parc à thème abandonné et dévorent un buffet de nourriture convaincus que leur carte bleue les dispense de demander la permission. Et quand je dis qu'ils dévorent, ils dévorent. C'est un brunch chez Depardieu et Gérard Larcher. Résultat, les voici transformés en cochons et la pauvre Chihiro, elle, se retrouve obligée de travailler dans un établissement de bain pour Kami, les dieux japonais, tenu par la terrible sorcière Yubaba. Alors on pense bien évidemment à Alice au Pays des Merveilles ou à Circé, la sorcière qui transforme les compagnons d'Ulysse en cochons dans l'Odyssée. Mais dans l'univers de Miyazaki, si Chihiro ne travaille pas, elle disparaîtra tout bonnement ou sera elle aussi transformée en animal. Et c'est plutôt conservateur comme discours, non ? Alors évidemment, mais Miyazaki nous montre que par le travail, Chihiro va se réaliser et devenir une héroïne forte et volontaire qui renouera également avec les traditions oubliées et ancestrales de son pays. Mais même si ça semble conservateur, Miyazaki nous apprend qu'une des premières choses que fait la terrible Yubaba quand elle vous fait signer un contrat, c'est de vous voler votre nom. Plus vous travaillez chez elle, plus vous survivrez, mais moins vous serez qui vous êtes. Pour Miyazaki, le travail, ça peut aussi être la dissolution de l'identité. Dans ce bain, Chihiro va faire la connaissance d'un sans-visage, une créature quasi-muette qui cherche à se faire aimer que par les richesses qu'elle distribue. Une incarnation fantomatique de l'accumulation de biens et de richesses, mais vide de tout. La sorcière Yubaba, elle aussi accumule des richesses, parle de méritocratie et d'une jeunesse décadente, mais son fils à elle est un bébé immense qui ne sort pas de sa chambre car le monde du dehors est rempli de microbes. Yubaba, c'est le genre d'entrepreneuse en couverture du magazine Challenge qui va t'expliquer que les gens ne veulent plus travailler, qu'elle s'est faite toute seule, mais qui va léguer son empire à son enfant bête comme un coin de table. Pour toutes ces raisons, je vous le redis Mathilde, Chihiro est un film sur le monde du travail. Un film où Miyazaki dit avec élégance, poésie et une beauté visuelle sans pareil que l'on peut aimer le travail, reconnaître son apport dans nos vies, mais ne pas occulter son aspect aliénant. Quant au débat sur les retraites, Miyazaki a désormais 82 ans et continue de réaliser, donc autant ne pas lui demander son avis là-dessus. Frédéric Sigrist pour la chronique Blockbuster. Vous jouerez votre spectacle Super-Héros à Strasbourg la semaine prochaine, hein, c'est bien ça ? C'est bien ça. Du jeudi au samedi. Du jeudi au samedi. Donc 4 mai, 6 mai et ce sera à l'Espace K. Merci beaucoup et merci à toute l'équipe du 5-7 cette semaine. Tiffany Battistel à la réalisation, Elisa Mchin, Amaury Baucher et Quentin Regnault à la préparation et Thierry Dupin pour la programmation musicale.